Tuko na rompia kila mmoja wenu mu jina Yesu Kristo. Le Seigneur a été bon envers nous. Mu Bwana alikuwa mwema kwetu sheye. Parce qu'il a permis que nous ayons encore le culte ce soir. Njua liruhusu tupate kuwa na ibada mangaribi ya leo. Sans tarder, levons-nous. Bila kukawia tulamuke. Prenons dans le livre de Matthieu 26. Tu bebe kitabu ya Matayo makumi mbili. Nasita. Il y a un temps pour toute chose. Kuko wakati ya kila kitu. Que les sœurs qui sont à l'hôtel rentrent à leur place. Badada babe kumimbari barudie pa mafazi yapo. Dans Matthieu au chapitre 26. Matayo sura makumi mbili na sita. Dans son verset 17 à 19. Mustari ya kumi na saba mpaka kumi na tisa. Père céleste, Baba Wakumbingu, nous te disons grand merci pour cet après-midi. Tunasema aksanti sana njoye wakati ya mangaribi. Tu as promis dans les saintes écritures. Ulilaka mu miandiko takatifu. Tu as dit là où s'assemblent deux ou trois en ton nom. Ulisema bali fashi wote parajukusanika batu bali wa batatu mjina langu. Toi, tu seras au milieu d'eux. Wewe utakuwa katikati yao. Seigneur, nous croyons à cette promesse. Bwana tunaamini mwile malaku. Maintenant descends au milieu de nous. Sasa shuka katikati yetu. Bénis chaque frère et chaque sœur. Bariki kila nduku na kila dada. Nous voulons voir ta présence au milieu de nous. Tunataka tuone uwepo yako katikati yetu. Que les malades soient sauvés. Bagonjo wapate kupata matunzo. Que ceux qui vivent loin de ta présence soient sanctifiés. Bariki kunaishi mbali na uwepo wako wapate kutakasiwa. Que nos âmes trouve une véritable rédemption auprès de toi. Maintenant que nous sommes ici pour nous préparer pour la Sainte Cène, aide chaque frère et chaque sœur. Et assiste-moi d'une manière particulière. Nous laissons toutes choses sous la conduite du Saint-Esprit. Tout pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Amen. Matthieu 26. Matayo makumi mbili na sita. 17 à 19. Kumi na saba na kumi na tisa. Le premier jour de pain sans levain, Shiku ya kwanza ya mkate bila chacho, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, Bafuasi baka endea kwa Yesu na njua kumwambi, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Wapi kulo napenda tupate kukutayarishia chakula ya Pasaka? Il répondit, Akajibu, allez à la ville chez un tel mwende mulimumuji kwa muntu fulani, Et vous lui direz, le maître dit, Mwalimu anasema, mon temps est proche, wakati yangu na karibia, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Mitafanya kwako pasaka na bafuasi yangu. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Bafuasi bakafanya kila Yesu ariba amuri. Et ils préparèrent la Pâque. Na bakatayarisha pasaka. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Ça fait beaucoup d'années qu'on n'a pas eu l'occasion de célébrer dans cette église le repas du Seigneur. Kunakuwa miaka ya mingi mu ikanisa atukupatele bahati ya kushangilia meza ya Bwana. Il y a eu des problèmes dans le monde entier, comme vous le savez. Kulikuwa mambo mu dunia mzima vile mnaichua. Avec l'épidémie de COVID-19. Na hii magonjwa ya COVID-19. Qui avait perturbé tout ce que l'église devait faire. Ile iliweza kuvurutuka shwa bile biote kanisa ilipasha kufanya. Néanmoins, le Seigneur a été bon envers nous. Atavile bwana alikuwa mwema kwetu sheye. L'épidémie est passée. Magonjwa inapita. Nos services de culte ont repris. Makazi yetu ya ibada shakuwa kuanzishwa. Et comme nous n'avons plus de contraintes de l'État, vile tuna na kukazisha kwa serikali, nous pouvons maintenant célébrer la Sainte Cène librement. Tutaweza sasa kushangilia meza takatifu kwa uhuru yote. Mais au milieu de nous, il y a beaucoup de nouveaux venus. Lakini katikati yetu kuna wageni mingi walikuja. Il y a de nouveaux convertis. C'est pourquoi nous prendrons un peu de temps pour instruire l'Église à ce sujet. Avant de célébrer le souper du Seigneur. Nous rappelons à tous nos bien-aimés, frères et sœurs, que la Sainte Cène, ya kwamba meza takatifu, qui est encore appelée le repas du Seigneur, ou encore le souper, au chakula ya mangalibi, n'est pas une chose nouvelle pour l'Église chrétienne. Aina kitu kia sasa njuu ya kanisa ya Kikristo. Non, bien-aimés frères et sœurs. Apana bapendwa nduku na dada. C'est l'une des ordonnances ni mmoja ya maagizo que notre Seigneur Jésus-Christ avait laissé à l'Église. Ile bwana wetu Yesu Kristo ariachia kanisa. Mais cette sainte, lakini hii meza takatifu est célébrée de manière différente dans les dénominations. Hii kunashangiliwa mwanamuna ya kuachana mu madhehebu. Mais des fois de manière qui s'oppose aux saintes écritures. Ma wakati ingine munamna ya kupinganisha maandiko takatifu. Les dénominations célèbrent la Sainte Cène. Madhehebu kunashangilia meza takatifu. D'une manière contraire à la parole de Dieu. Munamna ya kinyume ya kuachana na neno la Mungu. Parce qu'elle demeure encore dans la confusion. Il est mazebu ingariki paka mvuruko. Et et par manque de la révélation de Dieu. C'est pourquoi, pendant ce temps, avant qu'on célèbre la Sainte Cène, nous allons nous efforcer à montrer comment célébrer ce repas du Seigneur. Nous allons montrer la signification même de ce repas du Seigneur. Et nous allons voir qui peut participer au souper du Seigneur. Et c'est très important que chacun de nous soit éclairé à ce sujet. Comment le souper doit être célébré. Quelle est la signification de ce souper, la Sainte Cène, du repas du Seigneur, et qui doit y participer? Si vous lisez les Écritures avec moi, vous remarquerez que ce repas avait été célébré par le Seigneur juste avant sa mort. Et c'était pendant la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est la fête qu'on appelle en d'autres termes la fête des pains sans levain. C'est une fête qui avait été célébrée par Israël avant sa libération de l'Égypte. Et c'est pendant cette fête au moment où tous les Juifs célébrer leur libération de l'Égypte. Que le Seigneur avait choisi pour donner à son peuple, à ses disciples, le repas. Et avant sa mort, avant de verser son sang, avant de faire l'expiation du péché de l'humanité. En parlant de la Pâque, qui est le type de la Sainte Cène, dans les Saintes Écritures, depuis longtemps, Israël, le peuple de Dieu, cette nation sainte, ce peuple que Dieu avait choisi parmi toutes les nations, à cause de leur désobéissance à la parole de Dieu, à cause de leur rébellion, à cause de l'idolâtrie qu'ils avaient imité d'autres nations, bien que ce peuple était aimé et choisi par Dieu, et cette nation sainte s'est retrouvée dans un pays étranger. Ils se sont retrouvés dans un pays étranger comme esclaves. C'était pour accomplir une promesse que Dieu avait faite à Abraham, leur père. Dans la Genèse, au chapitre 15, dans son verset 13, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Dieu dit à Abraham, Mungu akamwambia Abraham, toi tu iras en paix. Wewe utaenda msalama. Mais sache que lakini ujue ya kwamba tes descendants après toi, uzao yako kisha wewe, seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Batakuya bageni muinchi la itakuwa yabo. Et ils seront asservis. Na batabaweka batumwa. Et on les opprimera. Na batabasonga. Pendant 400 ans. Kadiri ya miaka 400. Comme Israël a toujours été le type de l'Église, vile Israël nikalaki kila wakati picha ya kanisa, c'est verset 13, hii mustara 13 nous concerne aussi. Ine tuangaria na shei. Israël a vécu dans la chair. Israël aliishi mwili. Mais nous, en tant qu'Église, nous l'avons vécu dans le spirituel. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes aussi une nation sainte. Nous sommes un peuple choisi. Depuis l'éternité, Dieu nous connaissait. C'est pourquoi les Écritures disent, il nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons ses enfants d'adoption. Car nous sommes venus dans ce monde, nous avons vécu sur cette terre, comme des étrangers et voyageurs. Un véritable chrétien une véritable chrétienne, nous sommes tous des étrangers et des voyageurs. Cette terre ne nous appartient pas. Lorsque nous sommes venus dans ce monde, nous avons été reçus par des démons qui nous font souffrir. Qui nous persécute. Et nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas de cité permanente. C'est pourquoi dans 1 Pierre au chapitre 2, dans son verset 11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Et en tant que bien-aimés du Seigneur, chacun de nous doit comprendre qu'il n'est qu'un étranger sur la terre et un voyageur. En tant qu'étranger et voyageur sur cette terre, le Saint-Esprit nous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font guerre à l'âme. Nous devons nous éloigner de toutes sortes de convoitises de la chair qui combat notre âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'il remarque vos bonnes œuvres et qu'il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes étrangers et voyageurs. Voilà pourquoi nous devons tirer très attention dans tout ce que nous faisons. Parce qu'un jour, tu quitteras cette terre, je quitterai cette terre, où nous n'avons pas de cité permanente. Israël en Égypte comprenait cela. Israël, mon ministre, quoi ne l'est pas. Le Lorsqu'Israël s'est retrouvé en Égypte, wakati Israel patikanika kule ku Misri, il savait que l'Égypte n'était pas son pays natal. Arijua kusema Misri ilikuwa nchi yake ya kuzaliwa. Dans la conscience des Israélites, muzamiri ya batoto ya Israeli, ils savaient qu'ils étaient sur une terre étrangère. Il y a eu un temps de jouissance. Ils ont eu un temps de jouissance. Pendant toute la vie, Kadiri ya maisha yote, de Joseph leur frère, ya Yusufu nduku yabu, et pendant toute la vie de ce pharaon qui régnait en Égypte, na kadiri ya maisha yote, qui avait du respect pharaon, envers Joseph, ya pharaon ilikuwa natawala mumisi ilikuwa na mheshimia Yusufu, Israël était bien traité. Israël ilikuwa namtendea mzuri. Il n'y avait pas de problème. Israël a eu un temps pour se multiplier. Israël a repataka na yepia wakati yae kuzalana. Au point que quelques-uns d'entre eux, kusema bamoja katikati yabo, à cause de la paix et de la jouissance qu'il avait dans, sur une terre étrangère, jutu ya salama na ile fura walikuwa banapata mwili nchi ya kigeni, avait oublié bari sabwaka leur pays d'origine. Inchi yabo ya kule batokiaka. C'est ainsi que Dieu voyant cela, joko mana Mungu mukuona ivile, des années plus tard, mamiaka kisha, il s'éleva en Égypte un autre pharaon, kukalamuka mu Misri pharaoni mwingine, qui ne connaissait pas Joseph, ula shimujua ke Yusuf, ni ce que Dieu avait fait à l'égard de l'Égypte par la main de Joseph. Qui ne connaissait pas pourquoi ce peuple était au milieu d'eux. Mais ce nouveau pharaon, ou le pharaon Mupia, fut suscité par Dieu, ou le Mungu Arinamushaka, c'était pour accomplir sa promesse. Et kuyaka ninjua kutimiza malako yake. Une promesse qu'il avait fait à Abraham leur père. Malako ile Mungu alimwambiaka Ibrahim baba yabo. Et ce nouveau pharaon se dit, na huyu faraoni wa sasa alisemaka, il dit à son peuple, aux Égyptiens, akambia taifa yake batoto ya Misri, n'oubliez pas qu'Israël ou les Israélites ne sont pas nos frères. Mushisabu asema batoto ya Israël abana banduku yetu. Ce sont des étrangers qui ont traversé la rive pour venir ici. Ni bageni bale balitambukaka mutoni njua kufika huko. Et vous devez vous réveiller. Na munapasha kulamuka. Si vous commencez à les traiter avec douceur, kama munaanza kubatendea na upole, voilà déjà ils remplissent notre pays. Mone mwe benyeo banayala mu nchi yetu. Ils deviendront de plus en plus nombreux. Et nous aurons des difficultés pour les chasser. Lorsque nous aurons une guerre avec nos ennemis, ils vont s'allier derrière nos ennemis. Ils nous combattront pour nous ravir notre pays. Vous les Égyptiens, vous devez comprendre que c'est nous qui sommes propriétaires de l'Égypte. C'est nous qui devons jouir de toutes les richesses de l'Égypte. Pas eux. Vous devez vous réveiller maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard. Et ce que nous devons faire maintenant, c'est de réduire leur vitesse de naissance. Il faut trouver des moyens pour arrêter leur croissance. Il faut trouver des moyens pour les asservir. Et ces paroles tombèrent dans les oreilles des Égyptiens comme une bombe. Comme un véritable réveil dans leur cœur. Ils se disent effectivement, Au roi, ce que tu dis est vrai. Nous ne devons pas coopérer avec ses ennemis. Ce que tu as dit est vrai. C'est ainsi qu'ils donnèrent des ordres aux femmes sages. Et ils dirent, lorsque vous verrez une femme israélite accoucher, si elle donnait naissance à une fille, laissez-la vivre. Mais si elle donnait naissance à un garçon, tuez-le. Parce que c'est lui qui porte la sémence. Et cet ordre fut exécuté avec fidélité. Et la souffrance commença. La persécution commença sur Israël. Et c'est pendant cette période que Moïse fut né. Les Égyptiens et Pharaon résolus d'opprimer Israël avec la dernière énergie. Il est dominé avec méchanceté. Il est réduit à l'esclavage. Et Israël, les enfants d'Israël ne pouvaient rien faire. C'est une terre étrangère. Ils n'avaient pas de force. Il n'avait pas un autre peuple pour le défendre. Il n'avait pas d'armée pour le défendre. Et chaque Israélite, l'idée pour sa survie, quand la souffrance est devenue très grande, quand la prophétie fut accomplie, cette souffrance réveilla dans les enfants d'Israël la soif de retourner dans leur pays. Ils avaient soif de voir leur pays natal. Ils se souvinrent que Dieu leur avait déjà donné un pays. C'est vrai, frères et sœurs. Même nous aujourd'hui, l'aisance, une vie aisée, nous fait souvent oublier que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur cette terre. L'abondance, quand on se rencontre, on se retrouve dans la paix, on mange bien, on dort bien, on s'habille sans difficulté, on fait les affaires qui prospèrent, les enfants en bonne santé, la femme et le mari en bonne santé, on est en paix avec tout le monde. Le chrétien oublie qu'il est un étranger sur la terre et qu'il est un voyageur. Il commence à se comporter comme le reste du monde. Il commence à se comporter comme s'il n'y avait rien d'autre que la terre. Il oublie les promesses de Dieu. Et quand Dieu voit cela dans un croyant, parce que la paix, la jouissance matérielle a semblé garantir sa vie terrestre et qu'il commence à oublier Dieu et les promesses de Dieu, notre Dieu qui est jaloux, qui ne veut pas que son peuple se comporte comme le monde, suscitera des tribulations, des difficultés, des maladies, des échecs dans vos projets. Il rendra ta vie difficile pour que vous vous souveniez de lui. Notre Dieu le fait des fois. Regarde ce que les mondains font ici. Même nos musiciens ici mondains, ils chantent plus la bénédiction matérielle pour eux prospérer, pour eux être bénis, c'est construire une belle maison, avoir une belle voiture, être toujours propre tous les jours. Oui, à quel wakati mwenye kwa wa wa. Manger comme un petit prince. Mili kusaka mfalme kadoko. C'est ce que appelle la bénédiction de Dieu. Joile bobe unaita baraka ya Mungu. Pour nous les croyants. Wetu sheba minifu. Le matériel. Bitu vya kimwili. N'est pas notre bénédiction. Haina baraka yetu. La véritable bénédiction pour nous. Baraka ya Mungu ya kweli kwetu. C'est le Dieu tout puissant en nous. Ni Mungu aweze yote ndani yetu. Souvent nous oublions cela. Ila wakati tuko na sabwa ile. Nous commençons à imiter le monde. Et quand Israël est arrivé à ce point, Dieu suscita de la haine contre eux. Les Égyptiens haïrent à mort Israël. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Parce qu'il fallait que la promesse de Dieu s'accomplisse. Parce que Dieu avait dit à Abraham, ils seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Dans un pays où ils n'ont pas d'héritage. Oui, bien aimé frère. Nous n'avons pas aussi d'héritage sur cette terre. Notre héritage est dans le ciel. Là où Christ est allé, nous préparer une place. Frère, regarde le séisme qui a eu en Turquie. Plus de 41 000 morts. Kadiri zaidi ya 41 000 benye kufu. Ce n'est même pas la population de Kambov. Aina ta wingi abatu wa Mkambov. Des villes entières ont été rasées. Ma miji yote na bomolewa. Ce ne sont pas nos maisons ici en briques. En briques en tapé fort. Ce sont des maisons construites avec des ingénieurs de qualité. Mais dans quelques poussières de secondes, ces maisons se sont écroulées. Les pauvres, les riches se sont retrouvés les sans-abri. Frère, il n'y a rien à espérer sur cette terre. Même ta vie n'est pas espérée. Tu peux la perdre à tout moment. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Tu peux perdre tes enfants. Tu peux perdre ta femme. Tu peux perdre ton mari. Tu peux perdre tes biens. Tu peux perdre ton argent. Dans quelques poussières de secondes, tu deviens l'homme et la femme le plus malheureux. Il n'y a rien à espérer sur la terre. C'est vrai, frère. Regardez à la télévision, ils sont malheureux. Ils sont devenus les sans-abri. L'argent dans les comptes, a disparu. Les belles maisons ont disparu. Les belles voitures ont disparu. Les beaux lits ont disparu. Les bons salons ont disparu. Des grandes télévisions ont disparu. Des belles routes, voyez, ont été détruites. C'est ça la vanité de la vie. Tout homme qui comprend cela redresse ses yeux, il redresse sa tête, il regarde le ciel. Investissez plus au ciel, c'est là où il y a la garantie. C'est vrai, frère. Ils étaient dans un pays qui n'était pas eux. Et Dieu avait dit à Abraham, Ils seront asservis. Et on les opprimera. Frère, nous sommes dans la même condition. Nous sommes dans la même condition aujourd'hui, nous les chrétiens. Le monde ne nous aime pas. Chaque jour ici qui passe, si ce n'était pas le sang de Jésus-Christ qui couvre chacun de nous, qui protège chacun de nous, qui plaide pour chacun de nous, frère, nous serons encore plus malheureux. Des fois, nous ne sommes pas conscients de la protection de l'Éternel. Satan ne nous aime pas. Les démons ne nous aiment pas. Ce sont les démons et Satan qui nous persécutent, qui nous envoient des maladies. Toutes les difficultés que nous rencontrons, c'est l'œuvre des démons, les ennemis de nos âmes. C'est eux qui multiplient le péché sur la terre pour attirer la convoitise des hommes, pour piéger les hommes afin qu'ils meurent. Satan ne nous aime pas. Il veut notre mort. Et Jésus l'a dit dans Jean au chapitre 15, chapitre 17. Regardez. Dans Jean chapitre 17. Commençons au verset 13. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. C'est vrai. Bien-aimés frères et sœurs, le monde ne nous aime pas. Frères et sœurs, tous ces païens que vous voyez sur la cité, sur votre avenue, ne vous aiment pas. C'est vrai, frère. Le monde ne nous aime pas. Un chrétien doit comprendre cela. Les païens ne nous aiment pas. Les démons ne nous aiment pas. Satan ne nous aime pas. Nous ne sommes pas des frères de démons. Nous ne sommes pas des frères de païens. Satan ne peut pas nous apprécier. Frère, le monde nous est, c'est à cause de la parole de Dieu qui habite en nous, cette parole que nous avons reconnue comme étant vraie, cette parole que nous avons reçue. Frère, aucun païen, aucune païenne ne peut jamais aimer un véritable chrétien, une véritable chrétienne qui vit la parole de Dieu. Deux fois, nous avons tort. Lorsque nous voulons agir pour plaire au monde, Des fois, nous brisons la parole de Dieu pour être bénis par le monde. C'est une erreur grave que nous commettons. En tant que pèlerins et voyageurs qui ont reçu la parole de Dieu, qui défend la parole de Dieu, en qui la parole de Dieu habite, nous devons obéir qu'à la parole de Dieu. Nous devons vivre la parole de Dieu en toutes choses. Et quand un homme, une femme vit toute la parole de Dieu, le monde ne peut pas l'apprécier. C'est vrai, frère. Le monde ne nous aime pas à cause de la parole de Dieu que nous avons reçue. Si vous avez encore quelques faveurs du monde, c'est un signe que tu n'as pas encore reçu la parole. C'est un signe que tu ne vis pas encore la parole. Si le monde t'aime, il y a des choses du monde en vous. Parce que le monde ne peut pas aimer la parole. Le monde aime le monde. Le monde ne peut pas aimer la parole. Si vous avez la parole en vous, le monde ne vous aimera pas. Le monde te persécutera. C'est vrai, frère. Le monde nous est. C'est à cause de la parole de Dieu qui habite en nous. C'est vrai. Le monde ne nous aime pas parce que nous ne sommes pas de ce monde. La parole de Dieu en nous nous fera vivre comme des voyageurs et des étrangers sur cette terre. La parole de Dieu en nous nous fera vivre, nous donnera une vie loin de la vie du monde. Et quand le monde ne voit pas sa vie en nous, c'est une guerre. Il se lève. C'est vrai, frère. Les païens et tous les démons n'aiment pas la vie sainte d'un chrétien. C'est une vie étrangère à la vie du monde. Et Satan n'aime pas cela. Le monde nous est parce que nous appartenons à Christ. Quand Satan comprend et tous les démons que nous ne sommes pas du monde, la persécution commencera. C'est vrai, frère. Le monde ne nous aime pas parce que Dieu nous a choisis pour le salut. Il nous a choisi pour être ses enfants. Voilà pourquoi le monde ne nous aime pas. Frère, tu peux te poser la question après avoir cru. Tu peux te poser la question de savoir pourquoi ma famille charnelle, biologique, ne m'aime pas. Vous êtes né dans une église, dans une famille païenne. Ou dans cette famille, les gens vivent comme des démons. Dès que Dieu t'appelle, il te sort de cette famille. Tu ne veux plus marcher avec eux dans cette ancienne vie. Tu ne commences plus à apprécier leur vie. Tu commences à condamner leur vie. Tu commences à vivre une vie correcte, une vie sainte. Tu ne fais qu'obéir à la parole de Dieu. Si tu buvais, tu ne bois plus. Tu ne cours plus derrière les filles. Tu n'as plus d'amant. Vous voyez, tu ne t'habilles pas, tu ne t'habilles plus comme une prostituée. Vous voyez, quand ta propre famille observe la vie qui est entrée en toi, qui n'est pas la leur, la persécution commence. Et vous allez remarquer, même ta propre mère, tes propres frères, ils trahissent sans cause. Quand vous faites un examen de conscience, vous ne faites pas du tort à votre famille. Mais c'est ta vie sainte, c'est votre justice, c'est la vie de Dieu en vous que ta famille n'apprécie plus. Vous voyez? Et pour t'accuser faussement, ils te diront, même si vous leur posez la question, que je fais de mal, tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Vous pensez seulement que c'est toi qui es chrétien, c'est toi qui es chrétienne. Nous aussi, nous appartenons aux églises. Vous voyez, ils appartiennent aux églises du monde. Ils appartiennent aux églises du diable. C'est pourquoi ils vivent comme diable dans leur église. En étant membre dans leur église. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Quand le monde voit la vie chrétienne en vous, la vie de Christ en vous, vous ne serez pas apprécié. À l'école, tu n'as pas de problème avec tes collègues. Mais ils vont te taquiner. Elles vont te taquiner. Même si tu travailles quelque part, quand ils volent le mazout, ils font des bêtises, et toi tu ne veux pas, tu t'attires la foudre de ces gens. Ils ne t'aimeront pas. Ils feront tout pour que tu sois éloigné de leur milieu, parce que ta vie sainte, la vie de Christ, est une condamnation contre eux. C'est un jugement. Le monde ne nous aime pas parce que nous appartenons à Christ. Nous gardons sa parole en nous. Il nous a choisis. Nous étions comme un dans le monde. Mais lui, il nous a séparés. Notre séparation amène la colère dans les païens. C'est vrai, ils ne peuvent pas nous aimer. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Les dénominations ne nous aime pas. Nos familles charnelles ne peuvent pas nous aimer. Non, bien-aimés frères. Dans Jean au chapitre 15. Si le monde, au verset 18, si le monde vous aime, sachez qu'il m'a eu avant vous. Si le monde vous aime, sachez qu'il m'a eu avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais, parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. C'est vrai. Voilà pourquoi le monde ne nous apprécie pas. Tu as tort, mon frère. Tu as tort, ma soeur. Lorsque tu veux vivre comme le monde, parler comme le monde, s'habiller comme le monde, voyez, faire des choses comme le monde, chanter comme le monde, adorer comme le monde, vous avez tort. Vous amplifiez comme le monde. Vous avez tort. C'est un signe qui prouve que la parole de Dieu n'est pas en vous. Celui en qui la parole de Dieu demeure, il reflète les rayons dorés de Christ. Et cette ville de Christ n'est pas appréciée par les démons. Ne sera jamais appréciée par les démons. Le monde n'aime que ce, qui est à lui, ce qui lui appartient. Si vous êtes du monde, le monde t'aimera. Mais Dieu nous a choisis du milieu du monde. Il nous a séparés du monde. Voilà pourquoi le monde nous est. C'est vrai, frère. C'est à cause de cela. Quand je vous ai choisi du milieu du monde, je vous ai séparé avec le monde, j'ai mis ma parole en vous. Vous reflétez la vie de Christ, la vie de Dieu, la sainteté de Dieu. C'est à cause de cela que le monde vous est. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est vrai, frère. Quand le monde commence à t'apprécier, vous êtes sur une voie dangereuse. Quand le monde commence à parler en bien pour vous, vous êtes sur une voie dangereuse. Frère, quand le monde commence à t'apprécier, c'est un signe que tu n'es pas un fils de Dieu, tu n'es pas une fille de Dieu. Unaona tu dunia, tu vois seulement le monde, iko na kufurahiwa, qui se plaît de toi, inakupenda, qui t'aime. Bantu wa dunia, les gens du monde, wanapenda kuya kumpembeni yako, aime rester autour de toi. Apana dada. Non, ma soeur. Apana nduku. Non, mon frère. Dani yako muko mampepo mchafu ya dunia. Il y a des mauvais esprits du monde. Ana weba napenda. Ce n'est pas toi qui les aimes. Ni ile ki dunia iko ndani yako. C'est cette mondanité. Jo ki le dunia inapenda. C'est cela que le monde aime. Jésus n'a-t-il pas dit? Yesu ashikuseme asema. Dans Luc au chapitre 6. Luka sura ya 6. Luc au chapitre 6. Luca, sura yakisita, dans son verset 22, jusqu'au verset 23. Serez-vous lorsque le monde, les hommes vous haïront? Ah! Serez-vous lorsque les hommes, lorsque les pécheurs vous haïront? Lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme, ils vont rejeter votre nom comme infâme, comme quelque chose d'honteux. Votre nom deviendra répugnant quand on cite ton nom parmi les prostituées, elles te méprisent. Quand on cite ton nom parmi les voleurs, ils te méprisent. Quand on cite ton nom parmi les mondains, ils les méprisent à cause du Fils de l'homme. Lorsqu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme, réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. C'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Oui, bien mes frères, lisez toute la Bible. Il n'y a aucun prophète, aucun saint que le monde apprécie. Lisez Hébreux chapitre 11. Les saints ont été persécutés. Ils ont été haïs à mort. Ils ont été tués, lapidés, jetés au feu, dans la fosse aux lions, pendus. Et dont le monde n'était pas digne. Comment le monde peut apprécier aujourd'hui? Il y a quelque chose de faux, frère, hein? Mon frère, ma soeur, en vous. Tu es trop attaché au monde. Tu aimes les modes du monde, les modes des démons, tu aimes la compagnie des démons, tu aimes le langage des démons. Non, frère, non, ma soeur, tu apprécies tout ce que le monde fait? Non, frère, le monde t'apprécie. Et ce sont les mondes, c'est le monde qui t'encourage. Il est canissa yenu, il est mouzeke chassana. Non, depuis où il faut en arriver. Vraiment, quoi qu'il y en a. Tu deviens jeune. Et toi, dans ton cœur, tu es contente. Tu es content. Vous avez un faux esprit. Le monde n'a jamais apprécié l'esprit de Dieu dans ses enfants. Non, et non, et non, et non, et non, et non, et non. J'aime que cette pensée-là soit clouée en vous. Même dans là où vous travaillez. Quand tu agis justement, dans leur conscience, ils savent que tu ne fais rien de mal. Ils le savent. Mais ils ne peuvent pas le témoigner en face. Quand vous êtes en face d'eux, ils doivent accomplir leur haine. C'est t'humilier, te mépriser, te critiquer, te calomnier. Vous voyez, C'est comme un frère travaille ici chez Comica. Ni sanduku mwa tumika kule ku Comica. En tant que chauffeur. Alikuwa ni mtembezaji wa magari. Lui ne veut pas. Il dit à son chef. Anambia chef yake. Moi, prenez mon véhicule. Beba hii gari yangu. Allez, volez vos mazout. Mwende mkaibe mazout. Et moi je ne le ferai pas. Lakini mimi sitaifanya. Son chef dit. Chef yake akasema. Je te sanctionne. Mimi naku sanctionné. Parce que tu n'as pas volé. Voyez la perversion. Et on a sanctionné le frère. On lui a même retranché l'argent. Parce qu'il a refusé de voler. Quand il m'a vu, j'ai dit, c'est la souffrance à cause de Christ. Il vole ailleurs. Il dit non, nous allons te donner des unités. Il dit non, non, prenez cet argent, payez vos unités. Ce comportement-là, les méchants ne l'apprécient pas. Ce comportement de justice vous rend ennemi contre tous ces méchants-là. C'est vrai. Ça va, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Lèvons-nous pour la prière. On n'a pas terminé, on continue. Frère, ma soeur, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Je vous en supplie au nom du Seigneur. Comportez-vous. Vivez comme des étrangers et des voyageurs. Mon frère, ma soeur, si le monde vous apprécie, il y a quelque chose de faux en vous. Vous avez encore beaucoup de choses du monde en vous. C'est ce qui attire le monde, l'amour du monde, l'amour de ces païens, sur vous. Si réellement, ou dès que vous devenez réellement une fille de Dieu, un fils de Dieu, garde la parole, défend la parole, vive la vie d'un bon chrétien. Le monde ne vous aimera pas. Prions.